بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس السادس. Sixième leçon. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد في المره الاخيره قرانا نص لماذا نتعلم اللغه العربيه كان الحوار بين عثمان وعبد العزيز كان عثمان يسأل عبد العزيز عن تواصله في الدراسة الجامعية في اللغة العربية فحصل النقاش بينهما لأن عبد العزيز يرى نشر الدعوة وعبد العزيز عثمان كان يميل هو في البداية إلى تعلم العلوم العملية مثل الطب وغير ذلك وفي الآخر كان لري السديد والأقرب للصواب ري عبد العزيز نعم فالآن سأسألك عن الكلمات التي تمرت بنا ايش فيه؟ ايش نسيت؟ أخطأت في الدفتر؟ أخطأ في الدفتر j'ai acheté trois daftars tu vois il y en a deux qui sont de la même couleur et j'ai pas les exercices c'est elle. Eh bien, tu veux improviser ou c'est que c'est trop dur, on les mettra pour la prochaine fois. Vas-y. Fais. Avoir une kelimat jadida, ça c'est l'ouka. Thanawi, yani thanawiya. Ma ma'na. Collège, le lycée. Naam. Wasala yuwasilu. Aboutir, obtenir. Non, c'est pas... Poursuivre. Hein? Poursuivre. Enchaîner. Enchaîner? Poursuivre. Toi, s'il te dira ça, tu poursuis tes études. Ah, Haddada yuhaddidu. On va délimiter. Qiyam. Qiyam. Ah non, c'est mettre en apparence. Yani, se charger de quelque chose. La fiyad al-nas, ma'ana. La qiyam bichay, yani. El akhf bil mas'ouliya. Khurafat. Divergence. Divergence. C'est khilaf. C'est khurafat. Et pas khilafat. C'est pas le. Khurafat. Non. C'est les mythes de l'histoire inventée. Bida. Ouais, innovation. Non, c'est déjà un bida. At-ta'amouk. تعمق approfondir l'approfondissement البلاغة الكونس الصرف علم position des كلام للحرف الحروف ارتباط قرن قرنة رجمن قرنة يعني نعم لي أني علاقة أنا أغرب. Plus connu, plus ouais le plus plus souvent. Fréquent même. إبلاغون. إبلاغ transmettre peut-être transmettre. عاصر يعاصر. Vivre en son temps. Contemporain. خير. حسن. ماسة. أني أنا في حاجة ماسة إلى كذا وكذا وكذا. رأسي أنا نسيت. besoin urgent, besoin pressant, besoin primordial. C'est écrit pareil le verbe ماسة. ماسة. لا لا c'est ماسة. Le dont tu parles c'est ماسة. C'est ميم ماشين مشددة. لكن لعله اسم فاعله تتصل اسم فاعل الله أعلم Peut-être son isme fa'il de massa. Madri. Itqan. Être soigné. Avec soin. Ani minutieux, précis. Tafaqqaha. Être en accord. Ma kuna tawafaqa. Kuna tafaqqaha. Mais quelle est la fiqh? تفقه ما نتعلم الفقه يعني الدين شارك يشارك participer contribuer محاولة بمعنى تحاول سيارة تحاول ثوبا لا لا c'est essayer d'entreprendre quelque chose tenter نعم العلوم النظرية c'est les sciences théoriques التاريخ histoire إحصائي ما معنى الإحصائي إحصائي متخصص متخصص أيوة متخصص شاليس نعم الأشعة المو مستعيو je sais pas je fais juste de voir les rayons كان نعم jusqu'à présent j'ai pas trouvé tu me dis j'ai pas cherché non plus وافن وافن ما معنى وافن أنا وافٍ بالعهد. Ça suffit. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أو أوفوا بالعقود. أوفوا. ما معنى هذه الآية؟ أو vous qui avez cru, soyez fidèles envers vos engagements, envers les engagements. Engagement. Là, wafin, c'est être fidèle, quelque chose. Ah ouais, s'engager. Ziyadila. Le mouazzaf de la Sayyidina. Tadam. La trousse du tadribat, d'exercice. Yaqul, le tadrib est l'awel. Akmil, kama fi namouzaj. Le namouzaj, yaqul. درس كلية عملية يقول تركيب الجملة حسبت أنك ستدرس في كلية العملية وفي كلية عملية يعني j'ai pensé que tu allais étudier dans une faculté des sciences pratiques une branche professionnelle comme on dirait aussi فالآن تفعل نفس الشيء مع الكلمات التي تحت تدخلها في جملة مفيدة على مثال السابق الذي في النموذج فالجملة الأولى أننا أكل مطعم قريب تفضل كيف تقول حسبت أنك ستأكل في مطعم قريب نعم je pensais que tu allais manger dans un restaurant proche لعب ميدان بعيد حسبت أنك ستلعب ستلعب في ميدان في ميدان بعيد ميدان في ميدان بعيد نعم لازم ميدان au sens de stade apparemment à l'arabe ميدان je connais moi comme place publique hein place publique ouais voilà ça peut être un rond-point aussi ou autre comme ça je pensais que tu allais jouer dans un emplacement éloigné, on va dire. On dira comme ça. Darasa, ulum, nazariya. Hasibtu annaka satadrusu fil ulum nazariya. Fi, il n'y a pas d'alif al-lam. Fi ulum nazariya. Je pensais que tu allais étudier les sciences pratiques, ou théoriques plutôt. Wa sala dirasa balagha. Hasibtu annaka satawasil. ستواصل ستو ستواصل رباعي فكت لتر donc il commence par une dhamma you de quoi you يواصل يعني ستواصل non moi je dis ستواصل ستواصل تتواصل تتدا c'est une dhamma ايوه سبت انك ستواصل في دراسه Al-Balagh. Je pensais que tu allais poursuivre tes études dans la Balagh, la science du Balagh. Sabaha ma'a amiq. حسبت أنك تسبح على الماء العميق في ماء عميق في ماء عميق. Je pensais que tu allais sabaha, c'est nager, mais c'est l'eau amiq, ça veut dire quoi amiq? Profond. Profond. Je pensais que tu allais nager dans de l'eau profonde. تفقه علوم شرعية. حسبت أنك ستتفقه في علوم الشرعية. في علوم شرعية. علوم شرعية. Et tu sais que tu as le droit d'enlever un T dans les verbes à la voix tafa'ala, comme là tafaqaha, tu peux dire hasibtu anaka satatafaqahu ou satafaqahu. Tu peux enlever un T, tarfifan. Kafi kuli ta'ala, tanazzalu al-mala'ikatu. En fait, c'est tatanazzalu. Mais il y a un T qui était enlevé, tarfifan. Tu peux, tu as le droit, il y a juste. Parce que tu as vu, c'est un peu dur sur la langue à prononcer. Et comme les Arabes, ils aimaient tout ce qui était léger à prononcer, tu as le droit en langue arabe d'enlever l'un des deux t. Tu peux dire hasibtu tafaqahu. Comme tu peux dire hasibtu tatafaqahu. Tu peux dire les deux. Sabian tahaddath mawdu' tarikhi. حسبت أنك لا تبدي على ستحدث في موضع التاريخي. يا بالي فلم ما في ال في موضع تاريخي. pensais que tu allais parler d'un sujet historique. تاريخي معنى historique. Et comme tu قلت تستطيع أن تقول حسبت أنك تحدث أو تتحدث. طيب شارك رحلة قادمة. حسبت أنك ستشارك. لا فرباعي. ستشارك. ستشارك. حسبت أنك ستشارك في رحلة قادمة. نعم فرصة تبي participer à la prochaine sortie. هذه excursion كذا. نعم. طبعا انا مفهوم. Donc là il t'a pris à te dire je pensais que kaza wa kaza kaza. Tu peux dire aussi dhanantu. La dhanna qui veut dire penser aussi. Et hasiba kadhalik. Et comme tu vois souvent il y a le an qui vient après. Dhanantu annaka kaza ou hasibtu annaka kaza. Et si jamais tu parles de lui tu dis hasibtu annahu. Si c'est un tum, annakum, ainsi de suite. Tu mets le damir muttasil. Ça dépend de quoi tu parles. Mais il y a un n qui vient derrière. Et maintenant, ce n, c'est quoi son travail? Qu'est-ce qu'il est, ça? Yarjir, il est ulum annahu. Kitab ahar. El n, cause de na ou ta'bir. Formule les phrases. Si des fois, on peut prendre feuille d'annahu, il y a la baisse. Lakin aham shayin, taqdir ala taqwin jumla, mustaqima, kawima. مفيدة. يقول التدريب الثاني دوزيام اكزرسيس أكمل كما في النموذج. النموذج يقول انتشر خلافة بدعة. Donc on a trois mots entre parenthèses comme d'hab. ثم تكون جملة على المثال الموجود في الجدول. يقول ولكن كما ترى فقد انتشرت الخرافات والبدع. Donc en fait, tu prends les trois mots, tu les mets dans la phrase en disant walakin kama tara faqad. Après tu mets le verbe, après tu mets le fa'il, sujet. Wa ma yali la walakin kama tara faqad intasharat al khurafat wal bid'ah. Cependant, comme tu le vois, les mythes et les innovations se sont répandues. Hada ma'na al jumla. Fala naf'al nafs shay ma'a al kalimat al atiya. Zada suhuf مجلات. ولكن كما ترى فقد زادت الصحف المجلدات والمجلدات والمجلات والمجلات Là, tu mets un waouh. Cependant, comme tu le vois, sont certes propagés ou diffusés les journaux et les magazines. C'est quoi la différence entre majallat et mujallad? Entre mujallad. Mujallad, c'est un volume. Taïb. Majallat, là, c'est plutôt des magazines. Masuhu, c'est le djem de sahifa. À notre époque, ce serait les journaux. On peut dire jalida aussi, différents mots. طيب ثانيا انصرف داعي مدعو ولكن كما ترى فقد انصرف الداعي والمدعو نعم لا شي با سي سي كوم سي اباري مي سي اون برون ابارون سي سري سيبوندون كوم تو لو فوا سون سيرت سون ديجا بارتي لو بريديكاتور Et l'appeler, celui à qui on appelle. Le da'i, c'est le prédicateur, celui qui appelle à quelque chose. Ou le mad'ou, c'est celui qu'on appelle. Maintenant, est-ce qu'ils veulent dire aussi l'hôte et l'invité également là, Alain. En tout cas, le da'i, celui qui appelle à quelque chose, qui invite, et le mad'ou, c'est celui qu'on appelle. Le da'i, c'est l'ism fa'il de da'a yad'ou, et le mad'ou, c'est l'ism maf'ul. ثالثا كثر طرق سيارات لكن كما ترى فقد كثرت الطرق والسيارات نعم c'est pas comme tu le vois les routes et les ces voitures sont multipliées Kathura, c'est-à-dire se multiplier. Dans le sens, leur nombre s'est agrandi. Hadara, Sayyid Ali, Ihsa'i. Walakin kama tara, faqad hadarat al-sadi. Faqad ايش? Hadarati. لماذا؟ Pourquoi t'as mis un thé? Il sort d'où le thé que t'as dit là? Ah non, il y a pas. Sayyid Ali, c'est oui, Zakkar. Ou Irsa'i, Zakkar. Aïe. Hadari Sayyidi wal Irsa'i. Irsa'i. Donc, cependant, comme tu le vois, est certes venu, enfin, le pharmacien. Et les spécialistes, on va dire, sont venus. Yani walakin c'est ma'louf. Pour reprendre la phrase de base, cependant, néanmoins, ainsi de suite. Kama, là, c'est dans le sens de comme. Je ne mets pas misl. Là, c'est un autre ma'na. Watara, ça vient du verbe ra'a, yara, c'est le verbe voir. Faqad, c'est un ta'kid ou un tahqiq. On a dit qad, min huruf, tahqiq, qui rentre sur les verbes. On avait déjà parlé. Et le fait, c'est autre chose encore, mais il va avec. Et là, en fait, on a deux lettres. On a deux rafan. On a harfan. Fa, c'est un harf, et qad, c'est un autre harf. Faqad, c'est pas un harf tout seul, c'est deux harf. Voyez? Un accroché à l'autre. Thalith, tadrib thalith. Imla al farag fi ma yali bi ma yunasibuhu min kalimat taliya. Donc là, tu as des phrases avec des vides qu'il faut combler avec les mots qui correspondent. Andana kalimat majal qui veut dire. Elle dit quoi majal? Domaine. Emplacement. Il est dans le texte, le majel à maftou, à mamis, et les portes sont ouvertes devant moi. C'est ça qu'il voulait dire dans le texte. Yuhawilu, ça vient de hawalu, yuhawilu qui veut dire tenter. Haddada, déterminé. Itqan, précision, minution. Elaqa, c'est un lien. Iblar, en transmettre. Sharh, l'explication, le commentaire. Tu le sens le faire sur place? Très bien. Yaqul, al-jumla al-oula. يحاول صديقي là il y a le trou. اللغة الفرنسية في سنة واحدة. Donc mon ami essaye le mot qui manque, la langue française en un an. يحاول صديقي إتقان اللغة الفرنسية في سنة واحدة. نعم. Mon ami tente, yani de, on va dire de maîtriser, on dira comme ça, hein, on trouve vite à dire comme ça, la langue française en un an. Allah yaftah alik. Tu veux maîtriser le français en un an, franchement. Akhi, on a étudié des années, la maîtriser. Toi, tu vas y avoir en un an, tu vas la maîtriser. Allah Akbar. Franchement, Allah yaftah alik. Il va falloir faire beaucoup d'efforts. Fanien. إن العمل في يعني الفراغ le vide الزراعة مفيد certes le travail dans le trou de l'agriculture est très profitable ou profitable إن العمل في المجال زراعة مفيدة أيوة في المجال dans le domaine de l'agriculture, l'agriculture est profitable أحسنت ثالثا لن après le trou الطفل أن يمد يده للنار مرة ثانية que l'enfant ne, après le mot, ne tendra plus sa main vers le feu une deuxième fois. C'est quoi la fin de yuhawil? Len yuhawil. C'est quoi la haraka du lem? Sukun. Len. Ouais. C'est quoi len? C'est pas. Il te demande le mansoub? Izan. C'est un fil de mansoub, c'est quoi la haraka? Sukun. Là, ça c'est jazz. Ah, لن يحاول. أيوة فتحة. علامة النصب. أيوة الفتحة. الأصلية هي الفتحة. C'est la fatha. Donc c'est dit لن يحاول الطفل أن يمد يده للنار مرة ثانية. Que l'enfant ne tentera plus de retourner sa main vers le feu une deuxième fois. Il a compris c'était quoi le feu. والأحسن لا يمد يده للنار في الآخرة. Ça c'est encore أولى. Non, si on a peur du feu ici, on devrait dire quoi de l'autre feu là? Tu vois, qu'est-ce qu'on devrait dire de l'autre feu? Sallallahu yahfaza, yanafazana minha. Rabihan, wajibu al-ikhsaiyin, le trou, ma yata'allamunahu lighayrihim. Que l'obligation des spécialistes, le trou, ce qu'ils apprennent pour les autres. Wajibu. واجب الإخصائيين إبلاغ ما يتعلمونه لغيرهم. نعم. Obligatoire aux spécialistes de retransmettre ce qu'ils apprennent pour les autres. Aux autres. أحسنت. خامسا يجب أن يكون المسلمين قوية. يجب أن تكون علاقة المسلمين قوية. نعم. Obligatoire que les lien des musulmans soit fort, nos relations soient fortes. Sadisan, le trou, elle attibbe ou yom el isnain li fars el atfal. Haddada attibbe yom el thani. Attibbe ou yom el thani el isnain li fars el atfal. Non, que les médecins ont décidé. Ont décrété que le lundi sera le jour de la consultation pour les enfants, pour examiner les enfants. Farce, c'est quand tu es chez le docteur, quand tu te consultes, tu examines. Sabian, le trou, elle voit fi yusa'idu les tulab à la itkan ulumihim. Echarh le wafi. يساعد الطلاب يساعد الطلاب على الاتقان العلومي على الاتقان ايوه يا با دالي فلان طيب l'explication fidèle on va dire hein, aide les étudiants les élèves à on va dire maîtriser leur science ou être minutieux ou être explication fidèle ايوه الشرح الوافي par exemple الشرح الوافي l'explication d'un livre fidèlement expliqué aide le talib dans les ulum. Adam en a calami. De l'importance de faire un bon charh. Et surtout quand tu fais un charh sur un kitab, quand ils disent wafi, Ça veut dire que tu restes bien dans le sujet. Commence pas à aller t'éparpiller à droite à gauche. T'as mis trop de favoris extérieurs. C'est bien d'en ramener quelques-unes, tu vois. Quand tu vois que le talib, il comprend bien ou quoi. Mais sinon, quand tu vas trop à droite à gauche, à la fin, le talib, c'est même plus de quoi tu parlais. Il aura plein de favoris dans sa tête. Et quand tu lui interroges c'est quoi le os du kitab, il va dire je sais pas. Le plus important, c'est que le livre soit maîtrisé. Le contenu du livre, la base du livre, comprise et acquise. Et quoi qu'il en soit, le livre qui viendra après sera toujours de niveau supérieur, donc tu pourras ajouter les choses. Mmh. C'est un, par exemple, demain, tu fais, comme je dis souvent, tu fais le Usul Salasa à quelqu'un, et tu lui ramènes plus de fois de Tahawiyah. Mmh. Et après, il va être perdu. Tu vas dire, c'est quoi le Usul Salasa? Il va dire, que Allah est fils à main. Tu dis, non, c'est pas ça. Que Allah il a deux mains. Je dis, non, c'est pas ça. Je dis, oui, Allah il a deux mains, mais c'est pas ça le. Je sais pas. Mmh. Il ne sera même plus que le Usul Salasa, c'est. Man Rabbuk, Marifat Rabbik, ou Marifat Din Islam, Marifat Nabiyi. Tu ne sauras même pas. Il va sortir plein de trucs, il va se mettre en sifat, kaza kaza, et à la fin, il dit ah ouais, c'était ça. Et le prof n'a pas parlé de ça. Tellement il lui a donné plein de fois de tahawiyah, qu'à la fin, miskin, il n'a pas compris le livre. Donc, Tadar Roujan, par échelon, par étape. Voyez. Tadarib Arabia. Adib à la Mayali. Répond question suivante. Ça sera à la maison, je pense. يقول اذكر ثلاثة جمل فعلية عما يقوم به علماء في تعليم أمور الدين donc il dit rapport 3 phrases verbal فعلية il commence par des verbes vous voyez جمل فعلية et voilà اسمية qui explique comment les ulama s'occupent d'enseigner aux gens ثانيا اتوافق عبد العزيز فيما يريد القيام به. Est-ce que tu es d'accord avec Abdelaziz dans ce quoi il veut se charger? Là, tu vas l'écrire. Hein? Tu répondras, Inch'Allah, par. Tu l'as déjà fait dans ton daftar. Ouais, sauf les. Hein? Ouais, sauf le daftar. Oui. Sauf certaines phrases qu'il n'y avait pas besoin. Thalith, limaza yuridu Abdelaziz en yadrousa bil kuliyati l'orati l'arabiya. Pourquoi est-ce que Abdelaziz veut étudier dans la faculté des langues arabes? رابعا هل يتحول جميع دارسين الى متخصصين في اللغه العربيه لماذا est-ce que tous les élèves est-ce qu'ils deviennent tous des spécialistes de la langue arabe et pourquoi التدريب الخامس celui-ci sera في البيت شفت جافة. يقول استعمل كل كلمات من الكلمات التالية في جملة مفيدة. Utilise tous les mots présents dans une phrase sensée. يعني pour chaque mot une phrase. Ou c'était un mot qui met plusieurs mots dans une phrase. Si tu y arrives. أغلب qui veut dire le plus souvent. تفقهون le fait de comprendre d'étudier. التاريخ l'histoire. الأشياء C'est le djem de Shura qui veut dire les rayons, ce genre de choses. Khair, marlouf. Iltihaq, le fait de rejoindre, s'inscrire. Qiyam, on avait dit, le fait de s'occuper de quelque chose. Asara, le fait de vivre à l'époque de quelqu'un. Massah, qui veut dire urgent, primordial. Irtibat, qui veut dire ilaqa. Madrasa Sanawiya, le lycée. Muhawala, tentative ou essai. Wa salah, poursuivre, ainsi de suite. Quand même, hadaf il bait. Et tous les mots, c'est les mots présents, je crois, à la base dans le tableau du début. À part peut-être iltihak, je ne sais pas s'il y a. Les autres, en gros, ils y sont tous. Tadrib al-sadis. Akmil ma ya'ti bi uslubik. Complète les phrases suivantes. Avec ton propre style. Toi-même. يقول أنسيت أننا ندرس البلاغة والصرف لي لفهم اللغة العربية. لفهم اللغة العربية. نعم. As-tu oublié que nous apprenons le balagha et le sarf pour comprendre la langue arabe كما قلت. ولكن ما علاقة الأشياء ب pas. C'est pendant qu'il y a le lien entre la Shia, toujours avec nos rayons là, et. Bilatibba'i, tu veux dire ça? Hein? Bilatibba'i. La salam, tu pourrais dire bil'uloum al-amaliya. C'est quoi le lien entre les Shia et les sciences pratiques, par exemple, pour quelqu'un qui n'aurait pas compris. Mathalan. Rabi'an. Ayyuhuma baga. Enfin, thalithan. Hal haddatta at-tabib al-ikhsa'i al-ladhi. As-tu déterminé le médecin spécialiste qui. Celui qui va examiner ta jambe. Mathalan. Rabi'an. Ayyuhuma tufaddilu دراسة الأدب أم صرف أم الصرف طيب lequel des deux tu préfères étudier la littérature ou l'adab des français aussi du comportement ou le صرف خامسا أغلب الدارسين يفضلون العلوم الأطباء العلوم الطبية La plupart, on va dire, des étudiants préfèrent les sciences de la médecine. Yani, ulum ad-dunya. Enfin, les étudiants préfèrent les sciences de la dunya. Tant même. At-tadrib al-sabi'a. Da jumalan munasibatan fil makan al-fariq mukammilan Biha el Moudou. Ça également, ça va être ce que tu auras fait chez toi, je pense. Voilà, c'est écrit. Tu l'as ? Ouais. D'ailleurs. Donc, il dit de mettre des phrases qui correspondent dans les vides pour compléter le sujet de la première phrase. Yaqoul Faddaltu adirasata fil kulliyati lorati l'arabiya. Il dit j'ai préféré les études dans la faculté de langue arabe. L'annaha. لأنها وسيلة إلى العلوم الشرعية. لأنها وسيلة. نعم. إلى العلوم الشرعية. شرعية. إلى العلوم الشرعية. ترجم. خدي تفاز. donc je prépare pour la raison pour laquelle je préfère c'est que c'est le moyen de qui me permet d'accéder aux sciences religieuses. طيب. ثالثا troisième وهي اللغة الشريفة القرآن وهو لغة الشريفة وهي لغة الشريفة ولغة القرآن لنا لغة شريفة ولغة القرآن نعم ترجم car c'est une langue noble et c'est la langue du Coran نعم رابعا وإتقانها يقوم إبلاغ الدعوة. Le fait de maîtriser cette langue. وعيد. إتقانها. إتقانها. إتقانها. ضمة. أيوة. إتقانها يقوم الإبلاغ الدعوة. لا. Tu vas pas dire comme ça. Car tu dis le fait d'être minutieux, ça prend en charge le fait de retransmettre la dawa. Ta phrase est traduite comme ça. Tu dis وإتقانها. يساعد في إبلاغ أو يساعد في الدعوة مثلا طيب فإتقانها يساعد في إبلاغ الدعوة أو في الدعوة تساعد في الدعوة car le fait d'être monsieur ça aide à retransmettre la da'wa ou à faire la da'wa حسن ب الموضوع الثاني deuxième sujet ترتبط اللغة العربية بالدين الإسلامي que la langue arabe est liée à la religion islamique. Tafaddal. Le Coran nazala bil lugha al arabiyya. Naam, tarjim. Que le Coran descendu en langue arabe. Le mieux c'est que quand tu parles du Coran, le mot Coran dit Coran, laisse comme il en a. Parce que le Coran, même la translatation, elle déforme les hurufs et ça peut changer le sens. Alors, le mieux c'est dire Coran, même que les gens ils s'habituent à dire Coran. Tout le monde dit un Coran comme ça là, et, ah, c'est tuer le mot quoi. Et le Coran, c'est fatil là. Tu vois, le Coran, c'est fatil là. Vas-y, t'fadal. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam. تكلم بها نعم ترجم que le prophète صلى الله عليه وسلم parlait avec cette langue نعم سنت رابعا واللغة أصحاب رسول الله كذلك لغة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ترجم et aussi c'est la langue des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم نعم سنت جيم Tanzilu el Amtar, les pluies descendent. Ailleurs, Aleka Bijumlatayn. Deux phrases là, trouvées. Qu'est-ce que tu as écrit? Ashkatat. Te choque, fil la zikatapt. Tu vois, j'ai du mal à me redire. دخل ما في الأرض تنزل الأمطار أيوة ثم ما في عنشوز تنزل المطار أيوة أساعدك مثلا وتجري السحوب اللي نواج دي فيل علي سنتخوف لدي ديام ايش كتبتها الثانيه تاخذ خلينا نقول وخرج النبات بسببه بها هذه امطار طيب هي بلونت بوسي بار لور كوز طيب رابعا فيزرع الفلاحون Donc de là, le fait là, il vient pour enchaîner de ce qu'il y a avant. Le fait là, en fait le verbe, c'est juste yazra'u. De zara'a yazra'u. Le fait là, c'est un harf za'id qui a été rajouté, qui fait une liaison avec ce qui est passé avant, pour dire que ça a enchaîné en fait direct. Que l'agriculteur a planté. Donc, Donc, إذن. أيوة. يرتب العمل أعماله بحسب القمر. يرتب c'est un rubai. C'est quand ça commence par une damma. Tous les verbes à quatre lettres. قاعدة مطلقة. الحرف المضارعة. تبدأ بالضمة. La حرف المضارعة le ya ou le ta. Dans le Moudari, ou le Hamza, quand tu dis Ana, ou le Noun, quand c'est Nahnu, Dhamma. Le verbe en quatre lettres, Dhamma dans l'absolu, et pas autre. Non. Dès que tu vois le verbe commence par You, ou Ou, ou Nou, ou Tou, à la toul, tu juges que c'est un Roba'i. À part si c'est un. Comme ils disent, le même ni le Majhoul, dans le sens, on peut dire d'autres mots, mais. Ah ouais. C'est un You Fa'alou. Mais il a un Wazn. À la Waz, You Fa'alou. Mais si tu vois qu'il y a des cas, genre, à la waz, c'est le niaf'ilou, ou yufa'ilou, a yufa'ilou, parce qu'il a trois waz, le ruba'i. À la waz, af'ala, yuf'ilou. À la waz, fa'ala, yufa'ilou. Et le waz, fa'ala, yufa'ilou. Tu vois, on a ces trois-là, avec une demma. Sur le harf mudari et une kasra après, ça a un verbe à quatre lettres. Pas autre. Dans l'absolu, il n'y a même pas d'exception, rien. C'est comme ça. Comme 1 plus 1 égale 2. Ah, maintenant, si tu vois une dhamma après une fatha, c'est que c'est un مجهول؟ المبني الفاعل الذي ليس سبب فاعل، مبني المجهول. Et bon, mabni al-majhoul, c'est un terme qui était au muntaqal aussi, tu vois. Et bon, juste là, on l'a employé parce que pour que les gens comprennent de quoi on parle. Ma fi haqqillah ma wa majhoul. Ça nous écoute, ta khoulik al-insan. Tu sais ce qu'il a fait? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, pas majhoul. Abadan. Non. يرتب عمله عمل يرتب عمله نعم بحسب القمر كل كل كما dirais qui leur donne son travail en fonction de la lune نعم ou qu'il base son travail en fonction de la lune. À la base on rattrape, c'est rangé, ordonné, tu vois. Ouais. Mais là, en français, on va dire qu'il base son travail, c'est-à-dire que son travail est basé sur le cycle lunaire. C'est ça que tu veux dire. Pour dire basé. Mais à la base, c'est pas. Rattaba, c'est pas basé. Rattaba, c'est rangé, classé, ordonné, ainsi de suite. Allez, ouais, la deuxième. Hein? C'est comment t'as cool? Faya akoul min amal yadi. Et il mange du travail de ses mains. Mathala. تمام التدريب الثامن 8 اكزرسيس يقول اكمل الموضوع الاتي بوضع عفوا الاتي بوضع جمل مناسبه توضح عمل كل من الطبيب والصيدلي دونك يدي de compléter pareil des phrases suivantes avec des phrases qui correspondent qui éclaircissent le travail du tabib et du saydali du médecin et du pharmacien. يقول تحاور طبيب وصيدلي فأظهر كل منهما دوره في الحياة فقال الطبيب إن عملي هام جدا لأنني أقوم بالكشف على المرضى وكذا وكذا وكذا. Donc ça, tu l'as, ça sera à la maison. Il dit en fait, il y a eu une conversation entre un docteur et un pharmacien, dans lequel chacun des deux a voulu montrer sa part dans la vie, le travail. Donc le tabib, il a dit, moi mon travail est très important, car je m'occupe de découvrir les malades. Et après, la suite à toi de l'affaire. Quand même. Quand même. Et t'as dit, et t'as assis. Tu l'as fait celui-là? Yakul naqish mayali. Débat autour de ce qui suit. Ad-din l'islami yad'ou ila l'ilm wa l'ihtiram l'ulama. Que la religion islamique appelle à la science et au respect des savants. Tu l'avais écrit ça? Ah, là, Kadalif, il paye. Tiens, je ne t'ai pas touché. La Kinat Kadalif, il est là, mais Shalai. Par du respect légiféré, pas le rouleau comme certains ils ont. Que quand chaque fois on dit pas, là, ça ne peut rien dire. Taïb, Yakoul, et Tadalib, et Aashir. Hat, Salafta Asi Latin, Anifakrati, El Akhirati, Minan Nas, Wallati Tabda, Bi. Donc là, en fait, il va donner trois phrases que tu trouves les questions, en fait, qui correspondent à ces phrases. C'est comme si tu avais donné une réponse, toi, tu trouves la question qui va avec. يقول لهذا فأنا عفوا بحاجة إلى التعمق في العلوم العربية. C'est pour cela que je suis en grand besoin d'approfondissement dans les sciences de la langue arabe. À toi de trouver la question qui correspond. Hat خمسة جمل مبدوءة بأناسيتا. Il dit que tu donnes cinq phrases qui commences par un assiette à oublier et toi tu mets la suite. مثال donne un exemple. أنا نسيت أننا نحتاج إلى الطب وسيادلة. As-tu oublié que nous avons besoin de médecins et de pharmaciens? À vous, madame. D'accord. Et le deux derniers, laisse-les. Ça fait encore trop de dissertations pour toi, là. Le Hadi Achar ou le Sani Achar, laisse-les. À part si tu l'as déjà fait. C'était déjà fait. C'est déjà fait. Bah, ramène ce que tu as, on corrigera alors. Ça, là. Corrigera. Ramène ce que tu as, on corrigera. Question. Non. Fais sous elle, Mac. Là, taïeb. Alhamdulillah. مع تحية دمام.com